Pédale Scandale à Saint-Étienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Pédale Scandale. Pédale Scandale, c'est une émission faite par des PD, un lundi par mois, en direct sur Radio Dio 89.5 à Santé et en streaming sur radiodio.org. Cette émission, c'est la dernière émission de la saison. Après, on part en vacances. Et on s'était donné pour consigne de tous vous proposer une ou plusieurs petites chroniques de nos vies de pédale du moment. Essayez de vous apporter un peu plus de légèreté que d'habitude pour commencer l'été. On devait se retrouver en studio le 10 juin. Sauf que ce matin, de lendemain d'élection européenne, on s'est comme beaucoup réveillé avec un goût amer. On en a beaucoup discuté, changé ou pas nos plans. Mais c'était trop bizarre pour nous de se retrouver seuls dans un studio et de ne pas rejoindre nos camarades dans la rue pour gueuler notre rage. Alors on a décidé de reporter cette émission à juillet, avant de se rendre compte que ça tomberait le 8 juillet, et donc au lendemain du résultat des législatives, et qu'on aurait certainement encore plus, à ce moment-là, envie d'être dans la rue. Alors une fois n'est pas coutume, on a décidé de la pré-enregistrer cette émission et de vous proposer un mélange de chroniques prévues et de discussions sur le contexte politique actuel et de ce que ça nous fait en tant que PD. Pourtant, rien de surprenant. On le sait et on fait partie de celles qui ressentent la montée du fascisme et des idées réactionnaires dans nos vies, dans nos quotidiens. On sait aussi que combattre l'extrême droite, ça passe par la lutte, par la solidarité. Ça se passe avant tout dans la rue, mais aussi en démontant leurs idées nauséabondes avec nos propres outils médiatiques. Et nous croyons que la radio reste un outil exceptionnel de lutte encore aujourd'hui. On pense que la lutte antifasciste, elle est essentielle, et encore plus en tant que transpédéguine. On vous encourage d'ailleurs à aller écouter l'émission PD Antifascisme qu'on avait fait il y a quelques mois. Bon, on vous prévient, on a galéré à trouver la manière de lier chronique plus légère et besoin de discuter du climat anxiogène. Alors profitez bien de cette première moitié plus légère, le reste rentrera une fois de plus dans le deep, mais parlera aussi de ce qui nous fait tenir la lutte. Bonne écoute et à vite dans la rue. Bonsoir les pédales. Pour cette chronique d'été, je voulais vous faire un petit conseil littéraire. Je suis tombé sur ce livre il y a quelques semaines et j'avais envie de vous le conseiller pour l'été. Il est pas trop lourd, il est pratique à emmener au fond de son sac, au bord de la mer ou de la rivière. Bon, il est un peu grand pour rentrer dans une banane, mais bon. Je pense, vous allez vous en sortir. C'est des petits textes, en mode fanzine, on peut le lire d'un coup, ou par petits bouts, un peu par-ci par-là. On peut le lire seul, ou à plusieurs. Ça s'appelle « Johnny, est-ce que tu m'aimerais si j'avais une plus grosse bite ?» Et c'est de Brontes Purnell. Je vous aurais bien fait un petit texte perso pour vous raconter ce que ça m'a fait, tout ça, mais j'ai eu la flemme, alors je vais plutôt vous lire la quatrième de couverture. Un titre qui interpelle, une longue phrase qui expose un petit complexe, un ton direct et frontal qui s'affranchit de la bienséance. Johnny est une autofiction qui suit les pas d'un anti-héros dans la baie de San Francisco et les États-Unis des années 2000. Loin d'être consensuel, il n'est ni parfait ni exemplaire, et c'est bien pour ça qu'on a envie d'y aller. À l'instar de son auteur Brontes Purnell, notre protagoniste est noir, punk, précaire, homosexuel, séropositif, addict à l'excès, et tout ceci n'est pas un drame. Son humour dévastateur ruine toute forme de culpabilisation et de normalisation. Il nous emmène avec lui dans ses jobs mal payés, au sauna gay du coin de la rue, à ses cours d'écriture, au festival South by Southwest. Personne n'est épargné, ni les bigots, ni les jolis garçons de Castro. Avec ce parcours singulier, radical et queer, Brontes Purnell atomise la bienséance. Traduit pour la première fois en français, il met une claque aux histoires de fesses. Voilà. Et je vais vous lire un petit extrait. Allez, je vais vous spoiler l'histoire du titre. Du coup, je prends un peu au milieu. Il raconte qu'il travaille... il est au travail. Le coup de bourre passe et soudain, c'est la merde. Michael fait son entrée avec Johnny. J'ai baisé avec Johnny la semaine d'avant, et je lui ai même dit qu'on n'avait pas besoin de mettre de capote pour qu'il me kiffe. Je prends mon courage à deux mains, et je lui demande pourquoi il m'a pas rappelé. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a répondu un énorme « parce qu'il a une plus grosse bite que toi ». J'étais à deux doigts de m'énerver, mais c'est difficile de s'opposer à ce genre de rhétorique. Ma mère dit à propos des choses qu'on ne peut pas changer, tes bras sont trop petits pour te battre avec Dieu. Et apparemment, ma bite l'était aussi. Bon voilà, après il lui arrive des aventures, et on arrive à l'épilogue. Ça faisait 3 jours que Johnny m'avait dit qu'il préférait la, entre parenthèses, plus grosse bite de Michael. Et ça commençait vraiment à m'affecter. Je suis parti sur une crise de boulimie, j'ai enchaîné avec la scarification, puis j'ai repris le contrôle. J'ai fait du yoga et un lavement anal, j'ai hydraté ma peau, enfilé un slip en rési Calvin Klein, un Levi's skinny noir, des Adidas noirs, des gants noirs, un bonnet noir, et j'ai tracé 2 traits de maquillage noir sur mes joues, comme Left Eye de TLC, paix à son âme. J'ai ajouté une chaîne en or, une boucle d'oreille en diamant et un pchit de Calvin Klein Obsession. Et me voilà habillé comme un cambrioleur branché ou un mec de Black Bloc. Justice, maintenant. Je remplis un sac noir avec un grappin et une corde noire reliée à une brique sur laquelle j'ai attaché un mot. Pour me calmer, je me fais une trace, qui restait de la dernière fois, et je saute sur mon vélo, en route pour l'appartement de Johnny. J'attache mon vélo et je grimpe par l'escalier de secours pour arriver sur le toit du bâtiment de 4 étages. De là, je prends le grappin et je descends en rappel pour arriver au niveau de sa vitre, au 2e étage. J'aurais pu faire plus simple en me plaçant sur le trottoir d'en face, mais j'adorais le drama qu'amenait le grappin. Je prononce une prière à Ogun, dieu africain de la guerre, et avec beaucoup de dextérité et de précision, je balance la brique à travers la vitre de Johnny. Je me casse de là en vélo, mort de rire sur tout le chemin de retour. J'imagine la gueule de Johnny quand il prendra le mot attaché à la brique et que se révélera à lui le message écrit à la craie. Johnny, est-ce que tu m'aimerais si j'avais une plus grosse bite ? Entre parenthèses, 2 mois plus tard, Johnny m'a pardonné et a jeté à travers ma fenêtre une brique avec un mot attaché. Sa réponse était « oui ». Voilà, et ben, bonne lecture, bon été à vous, et à la rentrée. Thank you. Et vous êtes bien sur Radio Dio 89.5 et on vient d'écouter I Got Joy de Brontës Burnell. Et on enchaîne avec une autre chronique. Oui, avec une chronique sur le guédard. Du coup, comment on se repère entre nous? Comment ça marche maintenant le guédard? Comment on fait pour dire autre chose qu'on le sent et c'est tout? Alors du coup, maintenant qu'en fait les hétéros déconstruits parisiens, ils ont des boucles d'oreilles et même parfois des septums, bah faut devenir un peu plus subtil pour capter qui est la jaquette. Alors avant de pouvoir donner des indices, j'avais envie de dire que oui, déterminer qui est PD ou pas, trans ou pas, avec l'apparence physique, ça pose plein de problèmes. Et on pourrait faire même une liste de choses pour lesquelles c'est pas chouette de déterminer juste sur l'apparence qui est PD ou pas. Par exemple, ça pose la question de qui a les codes queer du middle, de qui a du passing ou pas. Mais des fois, on est un peu problématique et on a envie de se reconnaître entre nous, envie ou besoin même. On a envie, par exemple, de ne pas passer toute une soirée à draguer un mec pour qu'il embrasse sa copine 6-7 à la fin. On a envie de reconnaître ses potentiels alliés dans une foule hostile au TPG ou dans la rue. Alors, on est censé repérer quoi dans ces moments-là? Bah, on peut repérer une voix un peu nasillarde. Ça peut être un bon indice, par exemple. La voix de pédale ou la voix sous testo, dans les deux cas, on aime les voix qui se modifient, qui se féminisent ou qui tentent à tout prix d'être suaves. La main qui se plie, c'est un peu cliché. Il ne faut pas dire aux hétéros qu'on fait tout ça parce que ce n'est pas vrai. Mais quand même, avec la mimétique de groupe, il y en a quand même pas mal d'entre nous qui plient la main et c'est un peu un indice obvious et facile à repérer. Après, il y a aussi la chaîne autour du cou, un peu style chinas ou punkos. Bah, ça, souvent, ça sent un peu le PD. Pour les PD élégants ou en école d'art, on peut aussi retrouver, par exemple, une petite chemise transparente en dentelle ou en tulle qui laisse entrevoir les tétons. Et si on repère un ou deux de ces indices, avec éventuellement un jockstrap qui dépasse ou un tatouage fag ou un tatouage pédale scandale, alors là, peut-être, on peut se dire y a quand même quelques indices qui laissent entrevoir que cette personne est PD. Après, il y a d'autres moments où le repérage en fait devient crucial. Par exemple, une teuf cringe hétéro. Dans ces moments-là, on cherche les regards, les gens qui n'ont pas l'air tout à fait à l'aise, qui finissent un peu dans les angles ou qui peuvent se déplacer uniquement entourés de leur crew pour se donner de la force. Dans ces moments-là, les groupes que moi j'identifie comme queer ou comme un groupe de PD, ça devient un peu mes repères. Même sans avoir besoin d'échanger avec eux, c'est les gens vers qui je danse quand je me retrouve solo. Alors du coup, oui, c'est dur de ne pas être essentialisant ou caricatural pour définir comment reconnaître un PD. Mais en tout cas, à des moments, on se sait, on se reconnaît. Et à ceux que je croise et avec qui on s'échange deux sourires en soirée, merci parce que ça les rend vraiment plus jolis. Du coup, j'ai écrit ça il y a quelques semaines. Et entre-temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une montée des agressions homophobes dans la rue. En tout cas, c'est ma perception perso et un peu celle des potes. Et du coup, je trouve que ça pose un autre souci, c'est de est-ce que en fait on a envie d'être identifiable comme PD dans la rue. Et du coup, moi personnellement, enfin, je le sens très fort. J'ai l'impression que porter des résis ou un crop top, en fait, ça devient un peu un acte de résistance et ou en tout cas de lutte et de repérer d'autres gens qui l'ont. Ça me fait très plaisir et en même temps, je peux pas en vouloir vu la peur que j'ai à certains moments d'être agressé par des faf. Je ne peux pas en vouloir aux gens qui n'ont pas envie justement d'être reconnaissables comme ça. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de réagir là-dessus et de « Ok, ça fait quoi d'être visible en tant que PD et à quel point on pédale et à quel point on a envie ou pas de le faire ?» Moi, je pense que comme toi, en fait, je pense que c'est un acte de résistance. Mais je vois bien qu'en ce moment, quand je sors seul et suivant les endroits où je vais, je m'habille pas de la même manière. C'est les premiers jours de chaleur. Par exemple, le mini short, je me pose la question avant de le mettre le matin. Alors que c'est pas un truc que je me pose trop comme question d'habitude. Et du coup, oui, ce climat anxiogène et cette peur et les agressions homophobes qui se multiplient ces dernières semaines. Elles ont des conséquences effectivement sur notre manière d'être PD, quoi. Et collectivement et individuellement. Ouais, je vais y revenir un peu plus tout à l'heure, mais j'ai les mêmes appréhensions qui sont là. Et du coup, ma stratégie, c'est de plus être une pédale dans la rue et d'essayer d'être une meuf cis dans la rue et que personne ne sache que je suis trans. Et moi, ça me fait penser au jour de la Pride où j'avais trop envie de sortir avec mes talons parce que j'adore marcher avec des talons. Je me suis dit, c'est trop le jour. Et puis le jour même, je me suis inventé une fausse excuse du genre, ah, je crois que j'ai encore un peu mal au dos. Peut-être je ferai ça à la prochaine Pride. Mais je trouve que du coup, ça a un aspect, enfin, je sais pas comment dire, ça a une espèce de truc où au final, ça nous isole encore plus. Enfin, typiquement, les jours où moi, j'ai l'impression de pas être visible en tant que pédale, et ben je sais qu'en fait sourire ou genre regarder insistement quelqu'un que je trouve trop stylé parce que justement cette personne est flamboyante au milieu de la rue et ose s'assumer en tant que pédale, ben en fait ça peut faire peur. On peut se dire, enfin, dans la tête de l'autre personne, ça peut être ok, c'est qui ce mec qui me fixe, et que du coup en fait ben ces stratégies de peur elles marchent sur nous parce que ça nous isole les unes des autres et en même temps, c'est des stratégies de survie qu'on ne peut pas remettre en question non plus. Mais ça marche d'une certaine manière, quoi. Et la flamboyance, qui est déjà assez compliquée à des moments, je trouve que du coup, ça fait qu'un contexte où c'est encore plus compliqué de l'assumer et de se dire qu'on va être à l'aise avec ça. Et flamboyance ou rien que porter des habits qu'on aime porter, rien que pour la chaleur, des habits courts, enfin... Ça rajoute du stress, quoi. Et voilà, on vous avait promis une première partie un petit peu légère. Du coup, moi, je propose qu'on enchaîne sur une petite musique. Que la pétence pour les mirages. Les yeux qui débordent, j'ai pas nagé. J'ai le cœur tout mou qui nous mange. J'ai mordu sa botte, j'ai rien laissé passer. Je te laissais passer. Si je mets la passion, y'a des dommages. J'ai encore promis que je suis pas sage. Qui m'attache se brûle, ça c'est dommage. J'ai fait carnage, hein. J'ai fait carnage. Et je sais pas si je peux danser sans casse, sans mes excès. La mauvaise odeur bien glissée dans le zen. On se fait des petits projets, des images. De grands rêves, on dit que ça c'était bien pour nous si ça s'achète pas. D'amour et de s'achète pas. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui s'achètent pas? On dit que ça c'était bien pour nous tant que ça s'achète pas. Est-ce qu'on peut vivre d'amour de s'achète pas? Est-ce qu'il y a encore des trucs qui s'achètent pas? Ça je sais pas. Flamme des caresses, des flammes, des caresses, des flammes. Flamme des caresses, des flammes, des caresses, des flammes. Flammes des caresses, des flammes, des caresses, des flammes. Des flammes, flammes des caresses, des flammes, des caresses, des flammes. Flammes, flammes des caresses, des flammes, des caresses, des flammes. Flammes. Fais ma pelle, fais sa salle. Y'a le monde qui s'empire, y'a plus rien qu'en dessine. Mes lèvres qui sont qui l'osent, l'éphémère de la chose, t'es pas demandeur seul. L'équilibre qui se mise, la fête et le supplice. Ta douceur qui se pose en l'azur à l'ensemble. Et c'est l'eau des temps, j'abuse, c'est la dé quand je masse. S'y'a tout qui nous accuse, y'a plus rien qui nous oppose. Pas les codes et les malices comme ça. Pas coller les engrais, c'était pas mon corps sur la terre. Tendu pour pas qu'on me laisse. Je me mets à nu pour pas nous blesser. La flamme et la poreuse. Rien que c'était bien pour nous tant que ça s'achève pas. Flamme et des caresses, des flammes et des caresses, des flammes. Flamme et des caresses, des flammes et des caresses, des flammes. Flamme. Thank you. en direct sur Radio Do 89.5 dans l'émission Pédale Scandale. Et on vient d'écouter un morceau de rock qui s'appelle Des Flammes et des Caresses. Et moi, je trouve que ce morceau, il fait du bien parce que ça fait partie des trucs qui nous permettent de tenir tout le temps, mais surtout en ce moment. Et on continue par une petite chronique qui nous parle de scandale. Coucou. Pour ma première chronique dans l'émission et dans ces moments de désespoir un peu collectif et global, j'avais envie de parler de ce qui m'a fait du bien ces derniers temps et de ce que j'ai découvert en sortant d'un de mes placards et en entrant dans la commune PD. Histoire, pourquoi pas, de se rappeler nos forces et les fonctionnements un peu chouettes de ce milieu et de cette commune. Alors, je suis allé pour la première fois cet hiver au WEP, Weekend PD. Et j'ai découvert beaucoup de nouvelles choses pour moi et des fonctionnements différents, beaucoup de confiance, mais aussi beaucoup de rire. Ça pourrait être pas grand-chose, mais je pense que j'ai jamais autant ri de ma vie. Et les pédales ont vraiment beaucoup d'humour et d'autodérision. Et c'est une vraie force. Et ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est l'utilisation du scandale comme outil de remise en question. J'ai rencontré beaucoup de pédales différentes. Et en tant que bébé pédale un peu timide, parfois ayant un peu peur de la place que je pourrais prendre, j'ai été marqué par les tantes, les folles, les scandaleuses, et tout particulièrement par une grande folle et son utilisation du scandale qui, dans un même temps, a pu provoquer un conflit, des tensions et les résoudre et nous regrouper autour du rire. Et j'ai vu dans cette situation tout le potentiel émancipateur du scandale intracommunautaire. Et quand j'essaye d'analyser et d'intellectualiser un peu le pouvoir du scandale, voici ce que j'y vois. J'y vois le pouvoir de titiller les interdits, de provoquer notre potentielle bien-pensance, de mettre en lumière l'absurdité de certaines conventions ou règles fixées collectivement sans réflexion complète, de remettre en question nos pratiques individuelles et collectives, d'arrêter de voir le cadre comme quelque chose d'absolu et d'infranchissable, d'avoir enfin le droit à l'erreur et de ne pas être rejeté, détesté ou exclu pour nos erreurs. Et tout ça, bien sûr, ça passe par l'humour, par la légèreté, mais ça peut aussi passer par la franchise, la tristesse et la colère. Et le scandale n'est pas forcément quelque chose de facile à vivre pour tout le monde, surtout pour les personnes qui mettent beaucoup d'importance au suivi des règles bousculées ou remises en question par le scandale ou la transgression. Mais ça me semble fondamental pour évoluer dans nos milieux et dans la vie en général, de continuer à transgresser, à visibiliser et à scandaliser. Alors, merci aux scandaleuses, aux folles, aux tantes et à toutes les pédales qui transgressent, qui bousculent le cadre, qui mettent en lumière notre propre bien-pensance. Et merci à toutes celles et ceux qui nous font rire. Et j'espère bientôt, quand je m'en sentirai capable, que la place que je prendrai sera plus scandaleuse, folle et drôle. Aquí tú ya te pasaste de listo. Yo creo que ya pude pasar ese mal ciclo. Esas cadenas no me quedan bien, yo pienso. Con mis alas de cruzar los cuatro vientos. Sí, que en la cama era intenso. Sí, con tu historia me entretengo. Pero miras pa' otro lado cuando estoy triste. Desapareces con tus cosas, no me viste. Volveré a posicionarme, a no seguir todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Y vuelvo otra vez, ve, arrastrarme pa' llegar a ti, sí. Solo quiero alejarme pa' ver, ve. Dicen que podía ser más feliz, sí. Eres un guapo de 10, ya lo sé, no te puedo mentir. Pero esos detalles tan feos te quitan todo el sex appeal. Me tienes pillado, pero ambos sabemos que esto no es sano. En la cama atado, tu esclavo, pero fuera de ella no quiero sentirme encerrado. Colega, lo hemos intentado, te sigo como cualquier bobo. Tu amor es de tercera, lo siento, tu cuerpo no lo es todo. La suerte nunca está conmigo, a veces será divertido. Como cuando me la metías y me corrías sobre tu ombligo. No quiero irme, me obligo, que te jodan, eres invasivo. Somos rizomas salvajes, poco que ver contigo. Pasaste de listo, yo creo que ya pude pasar ese mal ciclo. Esas cadenas no me quedan. historia me entretengo. Pero miras por otro lado cuando estoy triste. Desapareces con tus cosas, no me viste. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Et vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission PD Pédale Scandale et on vient d'écouter Rizomas Salvajes de Las Barras Pasiones. Et on est sur une émission où on vous partage pas mal de chroniques de sujets un peu divers et qui se recoupent à certains endroits. Et on enchaîne sur une nouvelle chronique. Un jour de déroutant mois de juin. Je dois préparer une chronique mais je suis pas très inspiré. Il serait temps que je m'y mette mais pour le moment je suis dans le brouillard. 11h56, le son d'une notification signal retentit sur mon téléphone. Dans le groupe Pédale Scandale, un membre de l'équipe envoie le message suivant. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de faire du carouage de pédale le 22 juin pour le Méca Circus ? L'idée c'est de se faire une équipe de sexy fag qui nettoie des voitures pour faire de la thune pour des personnes en tôle. Vendre nos petits culs quoi, pour faire simple. Son message est illustré de quelques clips vidéo. Des bagnoles, des mecs plutôt peu habillés, manifestement à l'aise avec leur corps, qui frottent, s'agitent et dansent, parfois de manière assez suggestive. De l'eau et du savon qui coulent, qui giclent. Ma première réaction, oula, c'est rigolo, mais ça peut être sexy, mais c'est pas pour moi. Je referme la messagerie et je retourne à mes occupations. Quelques heures plus tard, devant les réponses globalement enjouées des autres de l'équipe, je me questionne. Pourquoi je ne l'envisage pas une seule seconde ? Pourquoi ce n'est même pas une option pour moi ? Ça me donne à réfléchir et je me dis que je tiens peut-être le sujet de ma chronique. Parce que si je suis honnête avec moi-même, je peux pas dire que ça me fasse pas du tout envie. Mais alors qu'est-ce qui me retient si fort ? Évidemment, il y a la timidité. Évidemment, il y a la peur du ridicule. Évidemment, il y a mon rapport à moi et à mon corps, à ce que j'accepte d'en montrer, au contrôle auquel je le soumets. Ces mêmes mécanismes contre lesquels je lutte pour me lâcher la grappe et décoller les bras du corps quand je danse en soirée. Les mêmes qui me font régulièrement changer de couleur quand je dois prendre la parole devant plus de deux personnes. Ceux-là aussi qui ont littéralement failli me faire partir en courant au moment de passer la porte de mon premier stage de clown il y a quelques années. Mais je sens que c'est pas que ça. Je sens qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus diffus, de plus emmerdant et de moins avouable aussi. Un adversaire intérieur coriace dont je reconnais la silhouette un peu mieux qu'avant, sans pour autant savoir vraiment comment le mettre KO durablement. Vous l'aurez certainement reconnu, voilà ce connard d'hétéroflic qui pointe son képi avec sa gueule d'andouille et son sourire satisfait. Il y a à peine plus d'un an, j'étais encore homo, et aujourd'hui je me dis pédé. Je mesure la distance parcourue, tout le mouvement dans ma vie perso, mes lectures, mes découvertes, mes réflexions, la rencontre avec cette émission et la bande qui l'anime, le web de cet hiver, et plus globalement une sorte de réveil intellectuel et politique salvateur sur toutes ces questions. Mais je sens encore souvent que ça résiste, et pas qu'un peu. Que je suis régulièrement de retour sur le fil du rasoir, à comparer les inconforts. Celui à être le petit garçon sage qui passe un peu à côté de sa vie, et celui à sortir fièrement du cadre, quitte à ne pas se faire que des amis. Bien sûr, j'ai avancé sur l'acceptation de mon homosexualité, sur son exploration, sur la dimension politique qui réside dans le fait de l'assumer fièrement, et même de la revendiquer. Mais je suis clairement parmi les moins scandaleuses des pédales de pédales scandales. Ça m'emmerde, mais il y a un truc qui résiste chez moi à jouer avec la provoque. Et si je vais plus loin, en fait, je crois bien que je suis parmi les moins pédales de pédales scandales. J'ai réalisé ça avec stupeur récemment. Me dire pédé, ça va, mais pédale, ça coince un peu. Comme si dans le mot pédé, il restait juste assez de masculin pour me rassurer. En plus de la dose d'homophobie internalisée que je me trimballe encore, il m'apparaît donc de plus en plus clairement que j'ai une quantité non négligeable de sexisme crasse à évacuer de mes veines et de mes neurones. Et c'est difficile à avouer, mais je crois que c'est aussi de ça dont il est question dans ma réticence à participer à ce carouage. L'image que j'en ai, c'est celle héritée de l'imaginaire collectif et de la culture états-unienne, et en plus d'être très sensuelle, elle est aussi profondément associée à une image ultra-stéréotypée du féminin. J'adorerais être détendu, flexible, et aborder ça sans crainte, comme un jeu à la fois ludique et subversif. Je conçois évidemment le potentiel parodique du truc, et surtout l'enjeu qu'il y a à s'emparer de ce type de représentation pour jouer avec le décalage, jongler avec les codes du sexy, du genre, du culte du corps, du politiquement correct. Mais j'ai énormément de mal à m'imaginer prendre part à ce jeu, qui plus est en public. J'ai encore du chemin à faire, des statues vieillottes à déboulonner de leur piédestal, des images mentales un peu jaunies à recouvrir de graffitis vandales. Il y a quelques semaines, le film Orlando, ma biographie politique, était projeté à Saint-Étienne, suivi d'une rencontre avec son réalisateur, Paul B. Preciado, et on était une partie de l'équipe de l'émission à se retrouver pour y aller. Les avis à la sortie étaient variés. Moi, j'ai été marqué par l'expression qu'il utilise pour parler du genre inscrit sur nos papiers d'identité. Il parle d'une fiction légale, et je trouve que c'est une belle façon de rappeler qu'il ne s'agit que d'un choix, qui en plus d'être ultra-binaire, est fait par des médecins et acté par des employés de mairie, qui se retrouvent donc au générique de la fiction en question, notre fiction, sans qu'on ait notre mot à dire. Je vois bien ce qu'il y a à gagner en pouvoir et en liberté à réfléchir et à bricoler la sienne, et de nombreuses personnes en font la démonstration chaque jour. Ce n'est donc pas par idéologie que je résiste, mais sans doute en partie par conditionnement et par raideur d'esprit. Mais si je regarde vraiment les choses en face, je crois que si je galère autant, malgré l'envie, à brûler mon kit, ma garde-robe de mec, pour m'en confectionner une nouvelle, dans des matières plus souples, c'est sans doute aussi parce que partirai en fumée avec elle les privilèges qui sont les miens, ceux d'un homme cis, certes pas hétéro, mais plutôt pas mal loti. J'ai honte de m'accrocher encore à ça, par réflexe. Avant, j'étais un homo, mais un homo bien sage. Je déployais tout un tas de stratégies inconscientes pour garder un semblant de contrôle sur ma dégringolade dans l'échelle sociale. Et aujourd'hui, malgré mes efforts, j'en serais au stade du PD bien sage. Est-ce que ça existe, ça, d'abord ? Est-ce que je suis légitime à me dire PD si je suis pas capable de me dire pédale ? Avant d'entamer ce chemin, je soupçonnais pas l'énergie que ça demande de déconstruire chez soi les biais et les habitudes sexistes, homophobes, transphobes, racistes, classistes, validistes, agistes et j'en passe, dans lesquels on baigne et qui infusent en nous tant qu'on ne décide pas d'y mettre des coups de pelle. J'y bosse dur, je vous assure, mais c'est construit solide ce bazar. Ma décision n'est pas encore prise pour le car wash. Ce jour-là, le jour de mes 35 ans tout pile, peut-être que je resterai sagement chez moi à cuisiner une soupe un peu fade en écoutant un mauvais podcast sur le développement personnel. Non, quand même, je pense que je serai au moins là, dans un petit coin, pour vous regarder vous fendre la gueule. Ou peut-être même que je prendrai mon courage à deux mains et que je m'autoriserai à tenter cette nouvelle et joyeuse expérience. Après tout, la pédale d'accélérateur est juste à côté de la pédale de frein. Come get in line, this ain't the twist. Function lit, thick comes the must. Wanna see that ass from the front. Hit the floor, I'll fill you up. Big boys doing tricks and stunts. Catching looks, round and round. Give all the fucks, it's going down. Caress my body, rock them hips. Dip down low, just like this. Jiggle, jiggle, it's a party in the middle. Shake that way. Come on, shake that way. I got you looking, looking, looking. I got you shooking, shooking, shooking. Ooh, you like it? Don't tease me, come try it. And tweeze me, don't fight it. Obsession, don't deny it. I got you looking. I got you shooking. I got you looking at me. I give you some disgust. So cute and casual, IRL so actual, bouncing cakes all night long. I'ma show you my own thong song. Get fresh. I like it, confidence, excitement, heart a flutter when we kiss. No fantasy, big boy bliss. Caress my body, rock them hips, dip down low, just like this. Jiggle, jiggle, it's a party in the middle. Shake that way. Come on, shake that way. I got you looking, looking, looking. I got you shooking, shooking, shooking. Ooh, you like it? Don't tease me, come try it. And squeeze me, don't fight it. Obsession, don't deny it. I got you looking. I got you shooking. I got you looking at me. I give you some deceit. I give you some deceit. I've got a crush. I had me a 1 minute crush. I had me a 1 minute crush. I had me a 1 minute crush. I had me a 1 minute crush. coup, vous êtes toujours sur Pédale Scandale, sur Radio Dio 89.5. Et c'était Lookin de Big Dipper. Et là, on va avoir une chronique sur les chirurgies. Bon. J'ai bien fait une en studio pour l'enregistrement de cette émission. C'est pas que j'avais envie de prendre des vacances de Pédale Scandale, parce que je crois que ça ne m'est de toute façon pas possible. C'est dans mon quotidien d'être une Pédale Scandale. Enfin, j'essaye de pouvoir choisir les moments quand même. C'est d'ailleurs entre autres pour ça que j'ai failli ne pas pouvoir être là pour l'enregistrement, parce que je suis en convalescence d'une opération qui me permettra, j'espère, de passer un peu plus inaperçu. Une FFS, ça s'appelle cette OP, pour Facial Feminization Surgery, chirurgie de féminisation faciale. Moi, je me dis que FFS, ça fait pss, c'est le bruit que doivent faire les instruments qui servent à raboter le front, les orbites, le nez, etc. Bon, je vous parle de cette OP parce que c'est ce que je traverse en ce moment, alors pourquoi ne pas en faire une chronique ? Bah oui, après tout, ça fait aussi partie du vécu de nombreuses pédales œstrogénées de faire des OP, notamment celle-là. Et vu comme elle est relou, ça me rassure de me dire que d'autres ont réussi à traverser ça. En fait, j'ai envie de vous parler d'opérations parce qu'on n'en a encore jamais parlé sur Pédale Scandale, et comme dit plus tôt, ça fait pourtant partie du vécu commun à plein de pédales. Et puis, c'est pas anodin les opérations. Je dis pas ça parce que ça demande beaucoup de réflexion, d'être sûr de soi ou quoi, hein. Ça c'est pas vrai. Je dis ça parce que ça demande d'entendre un paquet de cis autour de nous dire « c'est pas anodin ces opérations ». Et c'est pas anodin d'avoir besoin de se justifier tout le temps du pourquoi on fait ces OP. Parce que c'est chiant de tout le temps se justifier, même quand on n'a pas de quoi. Moi, je fais des OP sur un coup de tête parce que je me dis « pourquoi pas ?». Mais ça ne suffit jamais comme justification. Il faudrait qu'on souffre particulièrement, qu'on ne puisse pas se voir dans un miroir depuis toujours ou je ne sais quoi. Pour être honnête, je souffre depuis mon OP parce que ça fait vachement mal de se faire refaire la face et je ne peux pas me regarder dans un miroir depuis cette OP parce que j'ai le visage tout gonflé et la gueule en vrac. Oups, c'est pas ça qu'il fallait dire ? Ben merde, ça me saoule d'être scruté par les cis en permanence. Pas que par les cis d'ailleurs, mais aussi par une partie des trans et ou non-binaires moralisateurs qui savent mieux que quiconque quelle OP serait légitime et lesquelles ne sont pas politiquement correctes. Et puis voilà qu'en plus de nous scruter, il y a une tripotée de vieux cis à la con, qui sont appelés sénateurs, qui ont voté une loi pour interdire des transitions médicales aux mineurs trans et qui voudraient élargir ça jusqu'à nos 25 ans pour être bien sûr que la moitié d'entre nous se soit butée avant d'arriver à ce stade. Et puis, plus ou moins les mêmes personnes ont décidé que ça ne servait à rien de rembourser nos frais de transition, du coup qu'on allait faire sauter nos ALD, affections longue durée, qui nous permettent jusqu'à présent d'avoir une partie de nos transitions payées par la Sécu. Ben oui, c'est vrai quoi. C'est bien connu que les trans ont vachement de chance de trouver du travail, donc d'avoir des sous, et qu'on a vraiment que ça à faire que de les bazarder dans nos transitions. Oh là là, désolé, mais c'est vraiment pas vrai. Hein. Enfin, cette histoire d'ALD, elle ne touche clairement pas que nous. Et c'est bien abusé de retirer le remboursement de soins vitaux à des personnes. T'es pauvre et handi ? Tu peux crever. Désolé, j'écris cette chronique et je vois bien au fur et à mesure qu'elle est vraiment pas drôle. Je disais donc que j'en ai marre de scruter par les cis qui me demandent de tout justifier. Voilà où ça nous mène. Et puis ça mène à un autre endroit aussi, c'est la honte d'avoir recours à de la chirurgie. Bah oui, à force d'entendre « Non mais t'en as pas besoin, t'es déjà très féminine comme ça. » Ou encore « Mais t'as vraiment besoin de ça? Tu t'en fous du regard des autres, t'es au-dessus de tout ça, non ?» Bah ça fait avoir honte d'avoir recours à des chirurgies. Ah, et puis scoop, mais non, je ne me fous pas du regard des autres. Il peut avoir un impact trop concret dans ma vie, comme un refus de taf, un pain dans la gueule ou un refus de logement. Alors désolé de ne pas m'en battre complètement les reins. Bon, d'accord, ma chronique, elle part dans tous les sens. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est grave la merde ce monde en ce moment, et ça part dans tous les sens. Alors je sais pas, mais il va peut-être falloir se bouger un peu face au fascisme qui prend toute la place. Ah oui, j'ai pas fait le lien, mais vouloir empêcher les trans de transitionner, refuser les soins aux personnes handi, laisser crever les pauvres, ça s'appelle du fascisme. Et puis ça commence par là, en même temps que ça laisse des gens crever aux frontières, en montagne et dans la mer, et puis ça se propage bien rapidement. Vous y songerez la prochaine fois que vous demanderez à une personne de justifier son opération ? Deck. Water down, drop it down real slow. Introduce you to a new thing. Come get my new thing, taste my new thing. Come and get into this new trend. Once you've been inside, all you care about is this new thing. Honey, go down, go drop. Is that what you desire? Feel my desire, what on my flower. I love this new thing, gonna make you go higher. Tiny, tiny, tiny pussy. Tiny pussy, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny. Tiny pussy, tiny, tiny, tiny pussy. Tiny pussy, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny. Tiny pussy, tiny, tiny, tiny pussy. Tiny pussy, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny. Tiny pussy, tiny, tiny, tiny pussy. Tiny pussy, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny. Feel your hands going slowly down my neck. Left me numb, all my feelings, where they at? Where they at? Where they at? Where they at? Tiny, tiny, tiny, tiny pussy. Tiny pussy, tiny, tiny, tiny pussy. Pussy, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny. C'était Neotseng de Urias et vous êtes toujours en direct sur Radio Do 89.5 dans l'émission Pédale Scandale. Et on va continuer par une prise de parole que j'ai écrite pour la Pride de Saint-Étienne qui a eu lieu samedi dernier. Cette prise de parole, je l'ai écrite un matin au réveil, très en colère. Comme tous les matins, souvent d'ailleurs, je suis très en colère. Ce matin-là, j'étais évidemment très en colère contre les RAC et les FAF. Et notamment la droite et le RN qui veulent passer des lois transphobes. Mais je pense que j'étais aussi en colère contre le manque de transmission dans l'histoire des luttes trans. Je pense qu'on a vraiment du taf à faire là-dessus. J'étais très en colère contre les cis qui veulent nous expliquer comment on doit lutter, les personnes trans, sans rien comprendre à nos transitions d'ailleurs, la plupart du temps. Et du coup, en racontant un paquet de conneries. Et aussi en colère contre une partie de la communauté trans qui, comme on l'a entendu dans le texte, dans la chronique avant, qui juge de plus en plus les manières de transitionner, notamment le fait de choisir de suivre des transitions médicales, de faire des opérations, et que ce serait pas assez radical. Et du coup, ces gens-là, je les emmerde. Et voilà, du coup, j'ai eu besoin de exprimer tout ça dans une prise de parole à la Pride. Voilà, donc on va vous la lire maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir que le 28 mai, le Sénat a adopté une proposition de loi qui restreint fortement l'accès à la transition des mineurs. Cette proposition de loi, menée par la droite et l'extrême droite, qui ne se base que sur des arguments moraux et réactionnaires et sur aucune étude scientifique ou médicale, est un énorme retour en arrière pour les mineurs trans, mais aussi pour les personnes trans en général. En plus d'interdire complètement les traitements hormonaux et les opérations chirurgicales pour les mineurs trans, elle réimpose un parcours de transition officiel, c'est-à-dire un suivi de 2 ans par des équipes pluridisciplinaires dépendantes de l'État, avant toute prescription de bloqueurs de puberté. Elle menace aussi le peu d'alliés médecins formés à nos côtés qui ne respecteraient pas ces interdictions de peine, d'emprisonnement et de grosses amendes. C'est le retour de la psychiatrisation des parcours de transition et ça ne s'arrête pas là. L'objectif est bien de s'attaquer par la suite aux personnes trans de moins de 25 ans, puis de supprimer les ALD et donc le remboursement des traitements hormonaux et des opérations. En bref, de s'attaquer à l'autodétermination et au choix du parcours de transition. Dans le contexte politique actuel de montée du fascisme et donc du retour des valeurs de la famille hétérosexuelle, cela ne nous étonne pas. Aux côtés des personnes racisées, les trans, les gouines et les PD ont toujours été et resteront une des cibles privilégiées des mouvements fascistes et de toute personne réactionnaire. Cette proposition de loi n'apparaît pas à n'importe quel moment. Elle intervient au moment où des nouveaux protocoles de transition sont discutés à la Haute Autorité de Santé pour améliorer et faciliter les soins et la prise en charge des personnes trans, dans une commission où de nombreux camarades trans issus des associations de santé communautaire et d'auto-support participent. Et ça, la droite et l'extrême droite, ça les fait flipper. Ça ne fait qu'augmenter leur panique quant à l'effondrement des valeurs cis-hétéro-patriarcales. Déjà qu'il y a de plus en plus de personnes trans, il ne faudrait pas non plus nous faciliter la vie. Enfin, la survie. Le quotidien d'une personne trans encore aujourd'hui, il est loin d'être facile. C'est encore beaucoup de galères d'accès au travail, au logement, souvent accompagnées de ruptures familiales, ce qui implique de vivre dans la précarité. C'est encore aujourd'hui des difficultés d'accès aux soins pour beaucoup, du mépris et des humiliations au quotidien par le monde médical et les institutions. C'est encore des agressions dans la rue, surtout pour les personnes transfemmes, les traves ou celles qui passeraient trop pour des pédales. Ce quotidien, il est encore plus hostile pour les transracisés et encore plus pire pour les trans sans papier. Pour beaucoup d'entre nous, un des moyens de survie reste le travail du sexe, qui lui aussi devient de plus en plus difficile et dangereux à cause de lois de merde et de la répression, notamment policière, plus intense. Être trans aujourd'hui, c'est encore trop souvent vivre dans la dépression, devoir survivre au suicide de nos proches et se battre pour ne pas être le prochain ou la prochaine. Parce que oui, la transphobie tue encore aujourd'hui. Et pourtant, on a tendance à l'oublier, mais la lutte trans, elle ne date pas d'hier. Le peu de droits que nous avons obtenus, ils ont été permis par des années de lutte acharnée. Rappelons entre autres que seules les luttes trans ont permis la dépsychiatrisation des parcours de transition, d'éliminer le monopole de la SOFECT, devenu FPAT, ancêtre des équipes pluridisciplinaires spécialistes autoproclamées de la transidentité. Rappelons aussi que la fin de la stérilisation obligatoire pour accéder au changement d'état civil pour les personnes trans ne date que de 2016, même pas 10 ans. Cela nous aura laissé vraiment peu de répit. Nous savons bien que seule la lutte paye, qu'il n'y a pas de lutte trans sans les personnes trans, que nous sommes les seuls experts de nos transitudes et que rien ne doit se faire sans nous. Alors arrêtons de demander des miettes, nous voulons tout. L'autodétermination est le choix du parcours de transition pour tous, y compris pour les mineurs. Un réel accès aux soins et des transitions gratuites pour tous, y compris les opérations et l'épilation laser. Le changement de prénom sur simple déclaration réellement appliqué, y compris pour la mairie de Saint-Étienne. Pas seulement faciliter le changement d'état civil, mais la suppression de la mention de genre à l'état civil. Mettre la pression sur les labos pour éviter les pénuries d'hormones. Supprimer l'interdiction des œstrogènes injectables. Plus de médecins formés par les assos trans et de la thune pour ces assos de santé communautaire et de la thune pour la santé publique. L'accès à l'information sur la santé sexuelle, les questions de genre dès l'école et l'accès aux droits reproductifs pour tous. Le retrait de la loi de 2016 sur le travail du sexe et la fin de la pénalisation des clients. Le retrait de la loi immigration, des papiers pour tous et la libre circulation pour tous. Nous exigeons tout cela, cependant nous savons que ce n'est pas l'État qui nous accordera cela. Nous ne croyons pas ou plus en l'État et en ses institutions, alors continuons à nous battre, à nous auto-organiser, à nous auto-former pour tout pirater. Partageons nos hormones, apprenons à les faire, à les fabriquer, formons-nous à l'autodéfense physique, verbale, numérique, pour être plus fortes tous ensemble. Enfin, aucune lutte trans ne peut exister et ne vaut la peine seule, sans des luttes de solidarité avec tous les opprimés. Battons-nous aux côtés des personnes racisées, rejoignons les luttes des personnes sans papier, les luttes des familles et proches de victimes de la police, les luttes des prisonnières, que ce soit dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques ou les centres de rétention. Rejoignons les luttes antifascistes. Ne restons pas silencieuses face au colonialisme et exprimons une solidarité réelle avec tous les peuples opprimés, que ce soit en Kanaky, au Soudan, au Congo, en Argentine, en Palestine et partout ailleurs. Des grosses pensées de solidarité aussi avec toutes les personnes qui meurent aux frontières de l'Europe. No border, no nation et libre circulation pour tous. Free Kanaky, from the river to the sea, free Palestine, stop au génocide. Arrêtons de célébrer nos fiertés. L'heure de la revanche transpédéguine et de tous les opprimés a sonné. On vient d'écouter Gloss, un groupe qu'on écoute, qu'on a souvent écouté déjà dans Pédale Scandale, avec le morceau Give Violence a Chance. Et pour continuer cette émission, moi j'avais un peu prévu de faire une chronique qui parle d'une maison d'édition qui s'appelle Vaisseau Papier, notamment d'une brochure qui vient de sortir qui s'appelle Refuser de rendre des comptes. C'est une traduction d'un podcast de Clémentine Morrigan et Jay qui s'appelle Fucking Cancel, merci. Et même si je trouve hyper important de parler de la cancel culture qui pourrit bien nos milieux queer et transpédéguines, et ben en fait aujourd'hui j'y arrive pas. Parce que une fois de plus ce matin, j'ai été réveillé par un coup de fil d'un pote qui m'a raconté l'agression homophobe qu'il a vécue avec un autre pote lundi soir. Et que en fait, c'est un peu le quotidien aujourd'hui. Ça m'a rappelé que même si je l'ai pas nommé sur le moment, moi aussi avec des potes, j'ai vécu une agression homophobe qui aurait pu mal terminer vendredi dernier, qui s'est plutôt très très bien terminée, mais qu'en fait, en vrai, ça aurait pu mal terminer s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient été là pour intervenir. Et du coup, je me suis dit que j'avais plutôt envie qu'on parle de ça pour terminer cette émission. Du contexte de haine actuel et que c'était un peu bizarre de faire une émission aujourd'hui sans en parler. Voilà. Du coup, j'ai pas trop par où on peut commencer, mais en tout cas, je sais pas si vous avez envie de réagir à des trucs. Je crois que moi j'ai juste envie de dire que à ce moment on va faire des témoignages, du coup déjà prévenir qu'on va parler de pas mal d'agressions homophobes et puis aussi dire ce que je trouverais chouette, c'est qu'on fasse pas que des témoignages mais qu'on parle un peu de nos stratégies, de comment nous on réagit dans ces situations d'agression ou comment on fait pour les éviter ou voilà un peu c'est quoi les nos méthodes. Par exemple, à titre personnel, moi en ce moment avec la montée des micro-agressions, je dirais, moi j'ai pas vécu de grosses agressions dernièrement, ou en tout cas j'arrive plus à savoir c'est quoi à apprécier les degrés d'agression, parce qu'en fait je suis en train de me dire en disant ça que j'ai quand même vu voler des canettes dans ma direction il y a même pas une semaine. Que moi, ma stratégie personnelle, c'est plutôt de pas réussir à sortir de chez moi et de rester enfermé et de sortir plutôt en voiture avec des copines et d'essayer d'éviter au maximum les espaces publics, ou alors quand j'y suis, d'aller que sur des trajets que je connais, de savoir, d'anticiper quels groupes sont hostiles et du coup de faire des détours, mais sans que ça se voit que j'ai peur et que je les fuis, et de faire comme si mon trajet, c'était normal que je fasse 5 minutes de marche de plus en changeant complètement de rue. Voilà, un peu mes petites stratégies personnel, et quand même ça prend beaucoup de place dans ma tête et ça me plombe bien en ce moment. Moi je voulais juste avant qu'on continue cette émission quand même dire un truc qui me paraît hyper important, c'est que là en ce moment on vit des agressions en tant que trans et PD ou trans ou PD, mais que en fait on parle de ça parce que c'est ce qu'on vit, mais avant tout les personnes qui vivent des agressions et qui ont peur, et une peur hyper légitime en ce moment, c'est les personnes racisées, les personnes sans papier, et voilà, c'était juste pour préciser ça avant qu'on continue. Oui, aussi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des agressions de rue, mais qu'en fait qu'est-ce qui les légitime et qu'est-ce qui leur donne du pouvoir, c'est les directives gouvernementales, c'est en fait des gens bien plus haut placés, et du coup vraiment pas réduire genre l'homophobie qu'on vit actuellement à en fait ce qui se passe dans la rue comme seule source, quoi. Et qu'on revient à cette montée du fascisme généralisé qui crée un climat de peur et qui alimente fort toutes les haines, quelles qu'elles soient. Alors, vous, c'est quoi vos stratégies? bah moi, d'accord, toi. moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, je fais des choix. Je suis en mode, ok, aujourd'hui, on voit mes boobs parce que j'en peux plus de porter un binder. Ben, du coup, je vais pas être trop femme à côté parce que maintenant que j'ai un passing plutôt ok. En fait, m'affiche en tant que trans et PD, ça fait double risque. Et je suis en mode, genre, on va en choisir un seul des deux aujourd'hui. Et du coup, un peu, ouais, ma strat, c'est ça. Et je trouve que le truc de groupe, en fait, ça marche bien aussi quand même. Ça donne de ouf de la force. Et savoir que t'as que 5 minutes avant de rejoindre un gros groupe où, genre, tout le monde a une grosse gueule de pédale. Ben, en fait, t'es en mode... Wow ! t'es en mode, je peux plus facilement faire ces 5 minutes. Voilà. Moi, ma stratégie, elle est d'occuper la rue avec mes potes, en fait, parce que je pense que je ne sais pas faire autrement. Ma manière de lutter, elle est celle-là depuis hyper longtemps. Je n'arrive pas à rester chez moi. Et du coup, parce que je sais que si je reste chez moi, je vrille. Du coup, elle est au maximum d'être dans la rue avec les potes et d'essayer de... Mais aussi, elle est aussi... en vrai, en ce moment, j'ai très, très, très, très envie de me battre. J'ai très envie de péter des gueules. Et tout en ayant une santé en plus pas terrible en ce moment, du coup, qui me limite beaucoup dans ce que je peux faire vraiment. Mais je crois vraiment... je me rends compte que la peur, elle m'atteint, mais la haine et la colère, elles m'atteignent aussi fort. Et que du coup, ça ressort par des envies de violence physique, quoi. Moi, j'avoue que j'arrive pas à me savoir quelle stratégie j'arrive ou je pourrais mettre en place. Mais je pense qu'il y a un peu, par rapport à des discussions qu'on a eues, des choses où la peur elle monte parce que aussi on se rend compte que on n'est pas prêt et prête collectivement à résister ou à répondre à du fascisme gouvernemental aussi. Enfin, un truc où en ce moment là, on a l'impression qu'il y a énormément besoin de parler, beaucoup de gens qui ont besoin de témoigner aussi des peurs qu'ils vivent tout le temps au quotidien et qu'on n'a peut-être pas assez d'espace pour faire ça et qu'on ne sait pas comment on va réagir. Là, c'est la date des élections, mais en général, à comment ça va être encore plus dur ces prochains temps et comment on va faire, quelle stratégie on met en place, comment est-ce qu'on répond par la violence, un truc où moi je me sens un peu perdu par rapport à ça et peur que tout ce qu'on va mettre en place sera retourné contre nous et un peu un besoin de s'organiser plus clairement par rapport à tout ça, quoi. Ouais, et j'ai l'impression qu'aussi, du coup, ben, dans les gens autour de nous, il y a vraiment un truc de diabolisation de l'extrême droite et de leur discours, mais en tant que genre identité politique, en tant que futures personnes qui auront du pouvoir et tout. Et du coup aussi, c'est faire capter aux potes qui sont un peu plus privilégiés ou déconnectés de certaines réalités qu'en fait, le fascisme, ça se passe déjà dans la rue et déjà... au gouvernement et que en fait c'est pas une élection qui va donner du pouvoir aux gens qui se sentent déjà de faire des dingueries mais qu'en fait c'est pas ça qui va déterminer qu'à partir de maintenant c'est la montée du fascisme, en fait c'est déjà en train d'arriver et du coup en fait j'ai plein de potes pour lesquels ok il y a des droits encore à avoir, enfin qui considèrent qu'il y a encore des droits à avoir pour les personnes LGBT mais qui se rendent pas du tout compte en fait de ce que c'est qu'être PD, qu'être meuf trans dans la rue, et d'autant plus en ce moment. Et du coup aussi, moi, je trouve qu'une des manières que j'ai en ce moment, c'est les cercles qui sont un peu plus déconnectés de notre milieu militant, c'est en fait juste de leur parler de ce que c'est, en tout cas de ma réalité, de celle de mes potes, et de celle dont j'entends parler, quoi. Pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, moi je pense que on manque d'espace de discussion de fond politique, et ça fait longtemps qu'on en manque. Parce que la précarité qui est de plus en plus présente, les gens qui vont mal autour de nous, les gens qui se suicident, en fait ça fait qu'on est pris par beaucoup de moments où on doit prendre soin de soi, des autres autour de nous, et du coup ça enlève de l'énergie et du temps pour discuter de fond. Et ce qui fait qu'en fait, on se retrouve dans une période de panique générale, là, de peur de « Ah, le RN va arriver au pouvoir », alors que la montée du fascisme, elle date pas d'il y a 3 semaines, elle date depuis bien, bien longtemps, elle n'est pas au niveau de la France, mais elle est... mondiale, européenne, enfin c'est partout en fait. Il y a qu'à voir la situation des personnes qui sont en situation de migration, les naufrages quasi quotidiens dans la Méditerranée, les thunes qui sont données à Frontex et les thunes qui sont mises pour protéger les frontières de l'Europe en fait. Du coup en fait moi, j'ai envie de dire, peu importe ce qui va se passer dans 3 semaines, de toute façon, même si le Front Populaire gagne aux élections, ce ne sera pas une victoire, puisque de toute façon, le contexte fasciste, il va rester. Et du coup, et les lois, elles continueront à être de plus en plus racistes. Du coup, moi, j'ai l'impression que là, c'est le moment de discuter de fonds politiques et de sortir de ce moment d'urgence et de vraiment réfléchir à comment on s'organise. Pour lutter contre ça, quoi. Moi, je voulais parler de complètement autre chose, sur un truc beaucoup plus recentré. Avant que tu partes sur tout ça de manière beaucoup plus large, mais je voulais juste faire un petit point parce qu'on a beaucoup parlé aussi de là des agressions qu'il y a dans la rue dû au fascisme ambiant, dû au gouvernement, mais je voulais dire que ça se retrouve à d'autres endroits aussi. Moi, j'ai fait un séjour en clinique il n'y a pas si longtemps et qu'en fait la transphobie, l'homophobie en clinique institutionnellement, c'est quand même vraiment très très présent et ça c'est aussi un contexte politique. Et ça, c'est pas des personnes individuellement dans la rue, c'est une institution, c'est des personnes qui bossent de cette institution et qui ont tous les pouvoirs sur nous quand on est enfermé en psychiatrie. Moi, j'avais envie un peu juste de répondre à ce qui était dit avant. Je crois que je suis d'accord que cette montée du fascisme, elle est pas nouvelle et qu'elle va pas s'arrêter, même si le Front Populaire passait, etc. Enfin, que ça va pas être que quel que soit le résultat de cette élection, ça ne fera pas un énorme changement sur ça. J'ai quand même l'impression que si jamais le RN passait, ça fera un truc de légitimisation d'un certain discours et de certains actes. Et peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, mais j'ai peur quand même que ça fasse une petite différence. C'est pas pour lancer un débat, c'est juste pour me dire, moi j'ai l'impression que ça ferait quand même un palier où il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inacceptable qui petit à petit deviennent de plus en plus envisageables et que là ça devient un truc encouragé en fait. Enfin, quand on entend les discours ou des prises de position de personnes du RN, pas juste des militants basiques, mais comme l'autre qui a participé à une agression homophobe et qui dit vivement dans 3 semaines qu'on puisse casser du pédo autant qu'on veut, moi je me dis que c'est quand même des paroles qui peuvent avoir d'autant plus de poids s'il y a un sentiment de victoire. Enfin, en vrai j'espère me tromper et que ça me fait d'autant plus peur s'il y a ce basculement là. Alors juste pour recontextualiser, parce que probablement qu'au moment où vous écoutez cette émission, nous on sera dans la rue, on parle de dans 3 semaines, en fait nous on n'a pas encore les résultats des élections au moment où on vous parle, et on n'est que mi-fin juin au moment où on enregistre cette émission. Oui, et puis moi j'ai l'impression qu'aussi quand même là le contexte actuel, ça nous fait voir qu'en fait on peut pas, et ça a aucune utilité de se battre juste pour nos petits droits qui nous concernent, parce que en fait l'extrême droite, elle a envie de viser toutes les minorités, le fascisme il vise toutes les minorités et tout ce genre de trucs, ça fait un peu discours bateau, mais en fait moi du coup ça me fait un truc où les personnes LGBT typiquement qui se réunissent, qui se rassemblent et qui manifestent que pour les droits des personnes LGBT, en fait, au final, on est perdant aussi à ne pas soutenir les autres luttes. Parce que, en fait, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire intersectionnel, mais parce qu'en fait, on ne veut pas des droits libéraux pour les personnes LGBT, quoi. Mais surtout que dans les personnes LGBT, il n'y a pas que des personnes blanches et valides. Et qu'en fait, pendant longtemps, les luttes LGBT, elles étaient fort associées aux luttes anti-psy. Et anti-psy, par exemple, et que ce n'est plus le cas depuis un petit moment. Et ça, par exemple, c'est un bout d'intersectionnalité qu'on a perdu. Et qu'on voit bien, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, qu'on est en train de retourner sur la psychiatrisation des personnes trans. Et du coup, à quel moment on s'est battu pour dépsychiatriser l'homosexualité, pour dépsychiatriser les transidentités, et à quel moment on a lâché les luttes anti-psy, alors que enfin, je parle beaucoup des luttes anti-psy parce que c'est ce qui me parle, ce qui me touche directement. Encore une fois, on parle toujours plus de ce qui nous touche directement, mais, et que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais en tout cas, on a besoin de. Dans les personnes LGBT, il y a des personnes racisées, il y a des personnes qui n'ont pas de papier en France, il y a des personnes qui galèrent de ouf pour plein de raisons X ou Y, et qu'on ne peut pas juste dire les droits LGBT, ça n'a pas de sens. Et ouais, pour compléter ça, moi en fait, j'en peux plus d'entendre ce truc. Les droits, enfin les personnes LGBT, ça ne veut rien dire. Je voudrais rappeler quand même que les lesbiennes et les gays et les trans de droite et même d'extrême droite, ça existe, que on a un premier ministre gay de droite, et du coup les droits LGBT, ça ne veut rien dire. En fait, les personnes LGBT, ça ne veut rien dire. On n'est pas un groupe homogène comme ça. Je pense que surtout en ce moment, c'est important de pas faire comme si tout le monde pensait la même chose et vivait de la même manière, en fait. Non, quoi. Je veux dire, par exemple, la santé, on a un bar de gays de droite, quoi. Et du coup, nommons-le, n'y allons pas et faisons bien la différence entre nous et eux. Et pour le nommer, c'est le Zanzibar, alors. Est-ce que vous avez un peu des choses à rajouter? Parce que j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Et peut-être on peut s'écouter une petite musique et se dire qu'on arrive à la fin de l'émission. Et du coup, on ne sait pas trop dans quel état sera les rues, dans quel état sera tout le monde au moment où vous allez écouter cette émission, puisqu'on est un peu en avance. Moi, je pense que j'ai quand même juste besoin de rajouter un petit truc. Je pense, en fait, j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent réfléchissent un peu avant de faire de l'injonction à aller voter. Et ramène ça juste à une question de privilège et de responsabilité. En fait, on est plein d'anarchistes un peu plus âgés, avoir déjà connu des moments de panique électorale face au Front National 2002 et d'autres. Et en fait, cette réflexion par rapport au vote, elle n'est pas irresponsable et irréfléchie. Du coup, les stratégies, elles sont différentes. Moi, je n'ai pas envie de faire chier les gens qui vont voter, mais par contre, j'aimerais bien que... Et surtout, mes soi-disant camarades politiques, arrête de me traiter d'irresponsable puisque j'ai fait ce choix-là. Voilà. Et encore une fois, vous allez écouter cette émission au moment où les élections seront finies. Mais très intéressant toujours à avoir en tête et à prendre en compte. Et même à avoir des réflexions individuelles autour de ça fort. Du coup, on arrive à la fin de cette émission. On a un petit cadeau quand même pour les personnes qui écoutent notamment Pédascandale depuis le début, parce qu'on vous a fait goûter au début d'une chanson dans notre générique qu'on n'a jamais mis en entier. Du coup, la voilà. Pour finir cette émission, voici Hémorroïde de l'Absuceur. Je prends mon café sans sucre et mon Vélib sans sel. Question existentielle, combien de beuteux existent dans le ciel? Plug anal, concombre, j'ai tous les ustensiles. Je suis sur la piste dansante, momifié comme Dolan ou en Égypte ancienne. On reste en famille, comme Marc Hamill. C'est moi le mec, du mec Amila. J'ai la vision sur les euros. Je regarde l'Eurovision que pour Bilal. Un doigt dans le cul pour un 10 balles. Je pense à Dylan, mon anus se dilate. On se voit dimanche pour le pilote. Si j'achète un jet, c'est pour Pébon le pilote. Jamais dans la tendance, toujours une bonne érection. Tu sais que je vais te péter le fion, c'est pas une expression. PMU par toi, ma vie c'est PMU par tous. PMA pour toutes, je m'en bats les couilles des élections. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi là. Pour mes Dylan, pour mes Beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queens et pour mes suceurs. Ouais, toi t'es un suceur, ma gueule. C'est pour mes suceurs. La page. Celle-là, c'est pour mes suceurs. On est ensemble. Pour mes Dylan pour mes beutes, pour mes chibrax, pour mes trans, PD Queen. J'ai tous les albums de pommes en double, t'es dans le passé comme Code Quantum. Quand t'écartes comme Van Damme, j'débouche les chiottes au Code Ventouse. Fais le tour des cellules comme Mister You, à la recherche d'une Ré mystérieuse. Cagoulé comme Ré Mysterio, manie le sabre à la Master Yi. J'suis dans les bas-fonds, dans les tours, trop de bastons dans les cours. On m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai mis mon bâton dans des roues. Le label c'est pète-moi le fion, j'vois que des profs aiment faire la leçon. Tu fais l'action, je fais l'action, captain. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi là. Pour mes Dylan, pour mes beutes, pour mes chibrax, pour mes trans, PD Queen, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi t'es un suceur, ma gueule. C'est pour mes suceurs. La page. Celle-là c'est pour mes suceurs. On est ensemble. Pour mes Dylan, pour mes beutes, pour mes chibrax, pour mes trans, PD Queen, c'est pour mes teubs à l'allure bizarre des petites aux éléphantes, man. Ceux qui ressassent l'avant ou un arrière, mais le défendent mal. Hémorroïdes.